mort jusqu'à la mort. Mais nous ça, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. On kiffe un truc qu'ils connaîtront jamais. Acide techno, ouais jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau. Acide techno.